Tolkien, raconte-moi une histoire. Plongé dans un univers sans limite. C'est une histoire qui parle de voyage, d'aventure, d'une magie puissante, de courage, de fraternité. Vivez le voyage qui a inspiré l'imaginaire de l'auteur légendaire. C'est plus qu'une simple amitié, c'est une alliance invincible. Une communauté. Tolkien, le 19 juin au cinéma. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Violette Maurice, le destin tragique d'une sportive hors norme. Quand on pense sportive des années 20, c'est Suzanne Lenglen, la joueuse de tennis, qui vient à l'esprit, ou l'aviatrice Amelia Earhart. Mais il y en a une qui est passée totalement à la trappe, Violette Maurice. Pourtant, une des plus médaillées de ces années folles, dans presque toutes les disciplines, natation, football, poids, disque, javelot, waterpolo, cyclisme, boxe et même l'automobile et la moto. C'est vrai qu'elle a un credo radical, il faut anéantir son adversaire. Mais Violette Maurice dérange. Baraquée, les cheveux courts, cette lesbienne assumée qui porte le pantalon et drague dans les vestiaires, est tout sauf gracieuse. Le verbe haut et le coup de poing facile, elle veut vivre comme elle l'entend. Ce qu'un homme fait, dit-elle, Violette peut le faire. Une liberté que la société française en 1930 lui fera payer cher. Mais Violette Maurice a aussi sa face sombre. Sous l'occupation, elle s'engagera dans la collaboration. Et en 1944, sa mort, tragique et mystérieuse, elle est abattue par la résistance, n'en finit pas de nous interroger. Violette Maurice fut-elle un bouc émissaire idéal ou une tortionnaire de la Gestapo, comme on l'a souvent dit. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Gérard de Cortanze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, votre dernier roman, Femme qui court, raconte justement la vie de Violette Maurice. Et vous êtes l'auteur de l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes aussi. En vous emparant de ce personnage, qui n'est pas forcément sympathique d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que vous avez cherché, peut-être pas forcément à nous la faire aimer, ou en tout cas à la réhabiliter ? Ah si, les deux, absolument, parce que... Avec ses ambiguïtés. Avec ses ambiguïtés, bah oui, une personne sans ambiguïté, sans face sombre, c'est pas très intéressant. Et Dieu sait si elle a des faces sombres, Dieu sait si elle a des faces lumineuses, à commencer par la guerre de 14, et c'est une héroïne de la guerre de 14, hein, qui a fait toute la guerre de 14 en tant qu'infirmière, puis sur une motocyclette. Et comme toutes les femmes d'ailleurs qui ont de près ou de loin participé à cette guerre, aucune, vous le savez, n'a été décorée. On les a sommées après de rentrer dans leur cuisine et de s'occuper de leurs enfants. Et Violette Maurice disait « Je ne suis pas une poule pondeuse ». C'est la sportive aussi qui vous intéresse, je crois, chez cette femme. C'était quand même une star du sport dans les années 20. Absolument. Vous savez, moi je suis un ancien coureur de 800 mètres. Je ne suis pas un intellectuel, donc je viens du sport. Et d'ailleurs, le sport donne des leçons de vie. On apprend à perdre et je pense qu'elle a... appris à perdre Violette Maurice. Et elle n'a pas l'air commode quand même. Je suis pas non, sûr qu'elle perdait mais les sportifs facilement. Ne sont pas commodes. Pierre de Coubertin a dit une ânerie monumentale en disant l'essentiel c'est de participer. Vous ne trouverez jamais aucun sportif de haut niveau qui vous dira l'essentiel c'est de participer. L'essentiel, on veut gagner et enfoncer les adversaires. Et Dieu sait si Violette Maurice gagnait, enfonçait ses adversaires. Elle a 50 titres mondiaux, européens, championne de France de différentes disciplines. Et surtout, son projet, c'était de lutter contre des hommes. Elle a boxé contre des hommes. À une époque où, je vous le rappelle, on est dans les années 20, où les seuls matchs de boxe qui étaient acceptés pour les femmes, on était aux os. C'est-à-dire qu'on acceptait que les femmes boxent les seins nus. C'est quand même hallucinant. Donc, elle dit, eh bien non. Moi, je ne veux pas boxer les seins nus, je me couvre les seins, mais en revanche, j'aimerais bien boxer contre des hommes. Manque de chance, pour ces hommes, elle les bat. Oui, c'est une avant-gardiste. Elle dit que finalement, les femmes peuvent se battre avec des hommes. Les différences biologiques, finalement, ne sont pas si grandes. Oui, vous savez, elle est très très en avance sur son temps, et c'est l'époque des garçons. Elle rentre dans cette lutte-là. C'est l'époque où les femmes descendent dans la rue pour obtenir le droit de vote. C'est l'époque aussi où une femme, comment dire, on autorise le sport pour les jeunes femmes. On commence même à le promouvoir Les années 20, oui. Ce qui est déjà en soi un progrès. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut que les femmes aient un corps harmonieux, parce que ce corps harmonieux va leur permettre de faire de beaux enfants. Mais on ne veut surtout pas que ces femmes intègrent la notion de compétition. Or, Violette Maurice intègre la notion de compétition. C'est les premières équipes de football féminin, c'est l'athlétisme, c'est le sport automobile, enfin voilà. Et c'est en cela qu'elle est totalement avant-gardiste pour son temps. Les années 20 sont aussi ce qu'on appelle les années folles, et ce sont des années de relative visibilité pour les femmes homosexuelles, surtout dans les villes, bien sûr, les grandes capitales. Violette Maurice, bon, bah justement, elle est lesbienne, elle ne s'en cache pas. Qu'est-ce que dit la loi française à cette époque, donc dans l'entre-deux-guerres, concernant l'homosexualité féminine? La loi, comment dire, est très molle pour ce cas précis, mais ce n'est pas tellement la loi C'est l'ordre social. Et l'ordre social, il est à deux faces. C'est-à-dire, on accepte les homosexuels, on accepte les garçons. C'est un côté un peu zoo. On les observe, c'est amusant, c'est une dissidence acceptée. Mais en réalité, on les rejette totalement. Et une des raisons pour laquelle elle va être rejetée, c'est parce qu'elle est homosexuelle. Et ça, on le voit bien dans les articles de la presse, dans les journaux. Au fond, on lui reproche avant tout d'être homosexuel et d'afficher cette homosexualité. On est en 1920, vous savez. Je ne sais pas si l'homosexualité féminine ou masculine est acceptée aujourd'hui, mais imaginez, il y a 100 ans, en 1920, c'était pas du tout accepté. Voilà, c'est ça le problème. Et j'ajouterais que Violette Maurice, vous savez l'épisode Cantona du match de football. Violette Maurice était un peu forte. Elle est membre de l'équipe de France de football. Il y a un match contre la Belgique. Il y a un spectateur qui lui dit « Violette, pousse ton gros cul, bouge-toi !» Elle s'arrête, elle pose le ballon, elle va vers le spectateur, elle lui met un coup de poing dans la figure. Et ouais. Ben ça, pour ça, je l'adore, Violette Maurice. Qu'est-ce que vous voulez? Gérard de Cortanze, si vous voulez bien, nous poursuivrons cette discussion tout à l'heure donc sur Violette Maurice, notamment sur la question de son engagement dans la collaboration et les circonstances de sa mort. Mais tout de suite, Violette Maurice, le destin tragique d'une sportive hors norme, un texte de vous, Gérard de Cortanze, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Je me demande comment j'ai fait pour survivre toutes ces années dans ce collège pour jeunes filles de bonne famille. Je me souviens encore quand mon père m'a laissé ici, avec ma minuscule valise à la main. Je l'ai vu s'éloigner, raide, dans son habit militaire. J'aurais tellement aimé qu'il se retourne. Mais il est remonté dans sa grosse voiture. Puis a disparu. C'est Miss Ellis, notre professeur de sport, une Anglaise, qui m'a sauvé. Mesdemoiselles, ce n'est pas la gymnastique harmonique qui vous rendra belle, mais le goût de la compétition. Vous êtes les femmes de demain, battez-vous. Alors je me suis battue. Je suis devenue championne de natation. Août 1910, Violette Maurice a 17 ans. Fille du baron Jacques-Pierre Maurice, qui a fait toute sa carrière militaire aux colonies, et d'Elisabeth Sacacchini, dernière née d'une grande famille levantine, Violette poursuit depuis 7 ans ses études au collège religieux de Huy, en Belgique. Dire que ses parents l'y ont abandonné est un euphémisme. Le couple ne s'est jamais remis de la mort prématurée de leur fils, Paul, décédé quelques mois avant la naissance de Violette. Le collège est situé sur les bords de la Meuse. C'est là que vient d'avoir lieu un championnat international de nage en grand fond. Violette, une nouvelle fois, est arrivée première. Encore quelques mètres, tu me passais devant. J'étais crevée. Tiens, ta serviette. Tu finis toujours première, Violette. Quelle équipe on fait, nous deux? C'est pour ça que tu peux pas partir. Oh, Sarah, tu vas pas recommencer. On en a déjà parlé. Miss Ellis s'est mis dans la tête que j'allais devenir une grande championne. Et pour ça, elle est obligée de t'envoyer dans une autre école. Bah ouais, c'est ce qu'elle dit, je la crois. Et notre amitié? Elle mourra jamais, imbécile. Je suis sûre qu'il y a une autre raison. Mais non, je t'assure. Arrête, je te connais. Allez, dis-moi la vérité. C'est Octave. Octave, le jardinier. Quoi, t'es amoureuse de lui? Est-ce que tu peux être bête parfois? Après tout, il est pas mal. Tu sais bien que c'est pas mon truc, les garçons. Bon, bah alors, si c'est pas ça, c'est quoi? Il m'a agressé. Agressé? Dans les vestiaires. Agressé et agressé? Oui. Je sortais de la douche. C'est facile, il n'y avait rien à enlever. Depuis, il est toujours là, à mes pieds, à me regarder les seins et les fesses. Ça me donne envie de vomir. Ses sales mains pleines de terre sur moi. Son sexe qui fouillait, ça m'a fait mal. Quelle horreur, ça. C'est pour ça que je veux partir. C'est arrivé quand? Il y a un an. Et pendant tout ce temps, t'as rien dit? Faut que t'en parles à Miss Ellis. Mais voir la police. Mais on est au 20e siècle, enfin, Violette. Oui, je sais, les femmes font de l'alpinisme, elles pilotent des aéroplanes, elles font de la bicyclette. Marie Curie est prof à la Sorbonne, blablabla. Tout ça, ça change rien. Une femme violée, ça doit se taire. Oh, en somme, tu baisses les bras, quoi. C'est tout le contraire. C'est pas facile à comprendre, ton histoire. Pourtant, c'est simple. Si je pars pas, je vais finir par le tuer. Bah, ça, il fallait tuer tous ceux qui nous reluquent ou qui ont déjà se déplacé. Oui, bah, il a pas fait que me reluquer, Sarah. Bah, excuse-moi, Violette. Pardon. Je suis désolée, excuse-moi. Je te dis, je vais finir par le tuer. Tu comprends ce que ça veut dire? À la boxe. Un bon uppercut et... Et puis? Quoi? Je l'écrase. Comme un cafard. Ce nouveau collège est encore pire que le précédent. Et Sarah me manque. On peut à peine s'écrire. De toute façon, le courrier est ouvert. Et puis j'en ai marre de la natation, du water polo, de la course à pied, de l'haltérophilie. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est la boxe. J'ai assisté à plusieurs matchs. C'est génial. Le sang qui coule, presque noir, les cris, le bruit des coups, la lumière aveuglante. J'ai participé à mes premiers matchs, entre femmes. J'en ai gagné un. J'étais tellement folle de joie que j'ai fait sauter les boutons pression de mon maillot et je me suis montrée seins nus, les bras levés en signe de victoire. Mon entraîneur, Maurice, il s'est mis à hurler « C'est scandaleux! Comment veux-tu qu'on te respecte après un cirque pareil ?» Mais boxer contre des bonnes femmes, ça m'ennuie. Ce que je veux, moi, c'est me bagarrer avec des hommes. Alors, comment ça s'est passé avec ton entraîneur? Vous avez décidé quoi? Des hommes, des folles, qui me dit. C'est pas à craindre, hein. Tu lui as dit quoi? Ah bah que j'étais pas d'accord. Ça, c'était prévisible. Non, ce qui plaît aujourd'hui, cocotte, ce sont les matchs entre femmes, les Indiennes contre les Philippines, entre négresses, seins nus, évidemment. Pour ton premier match, on peut pas dire que c'était particulièrement réussi. Tu pourrais devenir la reine du ring. La blanche qui bat les Morricone, je vois déjà l'affiche. Tu l'imites bien. Ouais. Sauf que moi, je lui ai répondu que j'étais pas une bête de cirque. Oh, il a dû être furieux. Non, pas du tout. Presque un nounours. Oh. Il m'a dit qu'il avait pas envie que je me faisais figurer la vraie boxe, qu'il m'a dit. Ça n'a rien à voir avec les matchs que tu fais. La vraie boxe, sont les lèvres ouvertes, les arcades sourcilières fendues, la rate éclatée. Bon, il a pas complètement tort, non? Et pourquoi je me ferais défigurer? Oh, vous m'emmerdez tous les deux. Ce que je veux, moi, c'est boxer contre un homme. Et c'est moi qui l'aurais dû rembouiller. Comme ça. Je vais finir par crever. Il tape comme une brute. Tiens, j'ai une idée. Je vais faire semblant de souffrir le martyr. Il va tomber dans le piège, le crétin. Ouais, il est en train de se dire qu'il peut pas achever une bonne femme. Voilà, c'est bien. C'est ça, hésite, mon bonhomme. Et paf, et d'un. Et paf, et de deux. La joie de Violette est de courte durée. La presse s'en mêle. Faut-il ou non promouvoir ces combats mixtes? Les femmes ne devraient-elles pas rester à leur place, faire la cuisine et élever les enfants? Violette finit par accepter un nouveau combat contre une autre femme, mais la poitrine cachée. Elle est déclarée vainqueur au point. L'affaire ne s'arrête pas là. La perdante est une Danoise chevronnée qui n'accepte pas de se faire battre par une gamine. Elle insulte Violette, qui explose de colère et la frappe au sang. Ce n'est plus une femme que Violette a devant elle, mais Octave. La Danoise s'écroule. Un nouveau scandale éclate. Violette Maurice est une tueuse. On l'exclut de l'école, c'est son cadeau d'anniversaire. Elle vient d'avoir 19 ans. Mais rien n'arrête Violette. Football, tennis, course de fond, demi-fond, dans chaque discipline, elle obtient d'excellents résultats et bat des records. La presse, évidemment, reste muette. Pourquoi parler de ces femmes qui se piquent de vouloir égaler les hommes ? Un jour qu'elle vient de gagner une course de grand fond à la nage dans l'eau glacée de la Seine, elle entend soudain une voix reconnaissable entre toutes. Violette ! Sarah ! Violette ! Ma Sarah ! Violette ! Qu'est-ce que je viens pouvoir lui dire ? Je peux pas vivre sans elle, que je suis rien sans elle, que je l'ai toujours aimée. Sarah ! Ou alors je vais me taire. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ? Tout ce temps, Sarah ! On a tellement de choses à se dire. Pas ici, tu viens chez moi. J'habite pas très loin. Ouais ? Elle a une bague, ma Sarah. Elle est peut-être fiancée. Rue de la Pompe ! Ah, c'est une belle adresse. Quel appartement, dis donc ! Ça te plaît ? Tu parles ? Viens. Viens là. L'entre sur l'air d'une rumba cubaine. Tout contre toi pour danser, tu m'entraînes. Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe ? Ta bague. Quoi, ma bague ? T'es mariée ? Oui ? Ça t'ennuie ? C'est une trahison. T'es folle. J'ai plus rien à faire ici. Est-ce que tu peux être bête ? Écoute-moi. Tu crois qu'avec mon mari, c'est le grand amour ? Je me suis trouvé un homme qui m'accepte tel que je suis, qui est riche, qui me laisse vivre ma vie, faire du sport. Et dans la société d'aujourd'hui, tu sais bien, c'est plutôt rare. Tu veux que je fasse pareil ? Oui. Allez, on sera amantes. C'est bien ce que tu veux, non ? Ben oui. Problème, je vais la trouver où, moi, la perle rare ? Sous le sabot d'un cheval ? T'as même pas à la chercher. Qu'est-ce que tu racontes ? En mai dernier, j'ai rencontré un homme charmant, aussi riche que le mien, qui t'a vu au meeting de Paris. Tu courais 1000 mètres. Il était fou de ton corps magnifique, meurtri aux muscles. Héroïque. Un poète ou un malade, merci. En plus, ce jour-là, j'ai perdu. Justement, ce qu'il a aimé, c'est ta dignité dans la défaite. Il m'a dit textuellement, je me savais capable d'amitié et de désir. Mais en voyant Violette, j'ai compris que je pouvais aimer. Un ange, quoi. Les anges n'ont pas de sexe. À mon avis, lui, il en a un. Arrête, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. L'affaire est lancée. L'homme, Cyprien Gouraud, propriétaire d'une fabrique de papier, voit Violette à plusieurs reprises et finit par la suivre partout, notamment sur les petites routes étroites des critériums, au départ desquelles, c'est sa nouvelle lubie, elle a décidé de s'aligner. Luttant contre tous les cyclistes, qui, après l'avoir considérée avec condescendance, finissent invariablement par se liguer contre elle, comme d'habitude, elle gagne course après course. Toujours sous les huées et les remarques sexistes. Le 11 août 1914, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le couple se marie le 22. 3 jours plus tard, Cyprien répond à son ordre de mobilisation alors que les Allemands bivouaquent à Lusarche, à moins de 25 km de la capitale. Paris est à nous, ma chérie. Pendant que les hommes se tripent, nous, on va prendre du bon temps. Comment tu peux dire une chose pareille ? Quel rabat-joie tu fais. Ah non, mais laisse-moi, là. Oh, Madame Gouraud pleure le départ de son crétin de mari. Ses étreintes furtives lui manquent. T'as pas le droit de me parler comme ça. Ça me touche, t'as mené. Ah, moi, la guerre, je m'en fous. Mais c'est pas possible, Sarah. On va pas rester là le cul entre deux chaises. Je peux m'en occuper de ton cul si tu sais pas quoi en faire. Oh, tu me répugnes. Oh, gratte. Ce mariage sans moi, tu l'aurais jamais fait. Tu serais où? Tu ferais de la bicyclette toute seule sur les routes de France. Tu bourserais contre des fantômes. Je vais m'engager. Je peux pas rester ici à rien faire. On dit que le gouvernement va partir à Bordeaux. Et toi, tu veux défendre ton pays avec tes petites mains? Dans quelques jours, les Allemands seront à Paris. La guerre va s'arrêter. Et nous, les femmes, on sortira toujours dans ces cas-là. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Oh, tu veux jouer les héroïnes? Hein? Tu crois que quand les poilus te verront arriver, ils vont t'ouvrir les bras? Bienvenue, Madame Gros! On n'attendait plus que vous! C'est étrange, la guerre. C'est effrayant et extraordinaire. J'ai d'abord été infirmière, et maintenant j'ai découvert la motocyclette. Une René Gillet bicylindre en V à soupape latérale, la classe. Les soldats, ils en reviennent pas. Une gonzesse sur une moto et sous les bombes, cheveux courts en pantalon. Ouais, une autre vie. Malgré la mort et toute cette merde, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Dans la boue des tranchées, je me suis trouvé une nouvelle devise. Ce qu'un homme fait, Violette peut le faire. Je serais bien restée plus longtemps, mais manque de chance, avec la pleurésie et la bronchite que j'ai chopée à Verdun, fini la guerre, retour à Paris. J'ai qu'un regret, pas de médaille, pas de décoration pour les bonnes femmes. La guerre est même pas finie, mais comme on prévoit une hécatombe, on nous somme déjà de repeupler la France. Oui, à la gymnastique qui donne aux dames des formes harmonieuses, car elles feront ainsi de beaux bébés, mais non aux compétitrices. Et moi je veux battre des records. Je suis une championne, pas une poule pondeuse. Juillet 1917, Violette participe au premier championnat de France féminin. Elle bat le record du lancer de poids avec un jet de 15,85 m. Profitant que les hommes sont au front, le sport féminin s'organise. En décembre 1917 est créée la Fédération sportive féminine. La même année, des couturières et des obusières se mettent en grève à Paris. Violette devient une vedette. Mais comme toujours, c'est sa face sombre qu'on met en avant. Toujours à contester les décisions des arbitres, à se disputer avec ses adversaires, voire à molester les spectateurs, comme ce jour où l'un d'entre eux, lui hurlant de bouger son gros cul, elle pose son javelot à terre, se dirige vers les tribunes et l'assomme d'un coup de poing dans la figure. Sans parler évidemment de ce qu'on commence à raconter dans la presse, Violette Maurice aurait tendance à faire des avances à ses partenaires dans les vestiaires. Un jour, tu vas vraiment avoir des problèmes. T'es jalouse, c'est ça? Je vais te dire. Les garçons, ce sont des bêtes de foire avec leurs monocles, leurs cheveux gominés, leurs fumes-cigarettes. On les tolère. Mais les lesbiennes, on les chasse, on les piétine. On sera jamais acceptées. Violette écoute un temps les conseils de Sarah. Elle s'assagit. Elle bat le record de France du javelot, finit première au concours de lancer de poids du meeting de Monte-Carlo, considéré comme les premiers JO féminins. Mais surtout, elle fait ses premiers pas dans une discipline qu'elle a d'une certaine façon découverte à Verdun. Dis-moi que c'est pas vrai. Et pourquoi pas? Tu veux te tuer ou quoi? J'ai survécu à la guerre. C'est pas pour mourir sur une moto. Un jour, je finirai par te quitter, tu sais. Je souffre trop avec toi. La moto, quel plaisir! Bon, je dois le reconnaître, il y a un peu de provocation de ma part. Mais battre des hommes sur leur terrain, ça me plaît de plus en plus. Violette Gouraud-Maurice devient pilote de moto de course. J'ai lu ça dans la presse. Pas mal après tout. Même si on continue à me reprocher ma virilité et mon goût pour l'exhibitionnisme. Il paraît que je donne le mauvais exemple. Que je suis celle qui éloigne les autres femmes de leurs devoirs naturels, qui leur enlève le goût du mariage, leur instinct de maternité. Et pff, tu parles. Elle ferait mieux de se bagarrer pour de vraies causes. Par exemple, contre la nouvelle loi qui renforce la répression de l'avortement et interdit la propagande anticonceptionnelle. Moi, je suis heureuse, simplement, sur ma Norton, toute neuve, au milieu de tous ces hommes. Ça me rappelle Verdun. Les obus en moins. Bien que les courses de moto soient sa nouvelle passion, Violette n'en abandonne pas pour autant l'athlétisme, et cela d'autant plus que la grande Alice Mia, présidente de la Fédération française de sport féminin, vient d'obtenir que des Olympiades, exclusivement réservées aux femmes, aient lieu le 20 août 1922 à Paris. Pierre de Coubertin, qui a vigoureusement refusé la participation des femmes aux JO de 1900, en avale son chapeau. Quant à l'écrivain Jean Giraudoux, il écrit dans L'Équipe que le sport reste la seule occupation humaine où les femmes acceptent le principe qu'elles sont inférieures à l'homme. Les 1200 participantes prouvent le contraire. Parmi elles, Violette Maurice, qui obtient une médaille d'argent au concours de lancer de poids. Non mais t'as lu la presse ? On s'en moque, Violette. Pose ton journal. Profite du soleil. L'autojournal. Le cérémonial de dimanche à Pershing imitant les Jeux Olympiques masculins était une mascarade. Pourquoi, grand Dieu, mesdames, ne vous contentez-vous pas de faire des enfants ? Oh, qu'est-ce que ça peut faire ? Et ça, écoute. Ces Olympiades de la grâce, comme on les surnomme, n'ont de gracieux que le nom. Et écoute la suite. Anglaise, aux jambes effilées et aux attaches un peu sèches. Tchécoslovaque, courte et replète. Américaine, aux formes solides. Suissesse, à la carnation rosée couvrant le visage et gagnant le décolleté de la gorge. Française hardie, à la noble démarche, à la fière allure. Tout cela conduit à une seule conclusion. Ces exercices violents ne sont pas faits pour des faibles femmes, qu'elles enlaidissent et en somme... Pourquoi tu t'arrêtes ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as entendu ? Quoi ? Le type, assis à côté de nous, ce qu'il a dit. Non ? Alors, comme ça, cher monsieur, c'est la vérité ? Le sport nous rend laides, nous les femmes, alors que l'amour avec un homme nous embellit. Voilà ce que j'en pense. L'incident, qui se termine en bataille générale, monté en épingle par la presse, car impliquant la scandaleuse Violette Maurice, est le prétexte idéal choisi par la présidente du Conseil de la Fédération française de sport féminin pour sanctionner Violette. Madame Violette Gouraud-Maurice, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Rien. Reconnaissez que faire le coup de poing avec un consommateur à la terrasse d'un café, voilà bien la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non. Je continue. Vous frappez des joueuses, agressez des arbitres, contestez en permanence leurs décisions. On m'a même rapporté que vous donniez des excitants à vos coéquipières avant les matchs. Tout le monde boit du cognac avant certaines épreuves, c'est un secret de polichinelle. Vous fumez, vous buvez. Quel exemple pour notre jeunesse ! Je vous rappelle que le sport a un rôle à jouer, et particulièrement le sport féminin. Rassembler autour d'une activité saine le dimanche, jour du Seigneur, des jeunes filles et leurs familles venues les encourager. Et vous, que faites-vous ? Ben, j'aimerais le savoir. Eh bien, je vais vous le dire. Vous donnez de l'image du sport au féminin un spectacle navrant que la presse dénigre, à cause de vous en permanence. Vous êtes un mouton noir, Madame Maurice. Je vous signale aussi que vous enfreignez la loi qui exige que vous veniez aux entraînements correctement habillés. C'est pas le cas ? Coupe de cheveux masculine, chaussures d'homme vernis, costume trois pièces, pantalon. Vous venez aux entraînements habillés en homme. C'est strictement interdit. Même la voix des femmes, qui devrait vous défendre, écrit qu'en tuant la femme qui est en vous, vous êtes en train de tuer toutes les autres femmes. Pour toutes ces raisons, nous vous retirons votre licence pour une durée de 2 ans. Et la prochaine fois, c'est la radiation à vie. Ne plus participer à aucune manifestation sportive pendant 2 ans, je vais en mourir. Je sais ce qui va se passer. Je vais fumer encore plus, prendre des kilos, peut-être même me droguer. Non. Non, bah non. Tous ces vautours seraient trop contents. Non, je vais faire le contraire. M'entraîner chaque jour encore plus, pour revenir plus forte que jamais. En mai 1923, Violette peut penser que son calvaire est terminé. La FFSF vient en effet d'effacer la sanction. Une nouvelle vie commence. Violette divorce et retrouve la joie des compétitions. Elle se lance un nouveau défi, pédaler sur la piste du Veldiv derrière une motocyclette. Paris gagné. Elle réintègre même l'équipe de France de football, laquelle en septembre 1926 bat la grande équipe du moment, celle de Belgique. Mais là encore, la presse choisit de mettre l'accent sur un autre événement. À quelques minutes de la fin du match, Violette a corrigé une joueuse adverse qui lui avait fait un croc en jambe. Nouveau procès, Violette Maurice est radiée à vie. T'as eu ce que tu voulais ? Alors que les Jeux mondiaux de Gothenburg te tendaient les bras. Quel soutien ! Merci ! T'es de leur côté ou quoi ? Comment tu peux dire une chose pareille? Tu vois pas que ces charognards guettent le moindre de tes faux pas? Ton attitude finit par nuire à notre cause. Quelle cause? La nôtre, celle des femmes. Tu ressembles de plus en plus à Rachilde. Qu'est-ce que Rachilde vient faire là-dedans? Après avoir aimé les femmes, elle a fini par se marier et maintenant elle compare les lesbiennes à une nouvelle race nuisible. Tu dis n'importe quoi. Violette, je commence à m'ennuyer avec toi. Descends. T'es malade. Descends, je te dis. J'en ai assez de vivre avec une bassine d'eau tiède. Tire-toi. Je veux plus te voir. Bon débarras. Je vais pouvoir ouvrir un magasin de pièces détachées automobiles, depuis que j'en ai envie. Et puis chanter, dans un cabaret, puisque Joséphine Baker me le propose. Et puis me faire une mastectomie. Ça les emmerdera tous. Ils vont pouvoir écrire des kilomètres d'ânerie dans leurs feuilles de choux. À l'aube des années 30, Violette n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son magasin fermé, son tour de chant est un échec, sa mastectomie est vilipendée par la presse qui la traite de discobol au sein coupé. Un journal va même jusqu'à titrer « C'est la chute de la maison mamelle ». Mais Violette se relève toujours. Alors que se crée une fédération nationale des femmes et un syndicat professionnel de la femme au foyer, Violette Maurice décide de se lancer dans la course automobile. Les spectateurs de ce quatrième bol d'or ont pu admirer les exploits d'une femme connue de tous, davantage pour les scandales qu'elle traîne parfois derrière elle que pour ses exploits sportifs. Je veux parler de Violette Maurice. Au volant de sa Benjamin Type B3, elle vient contre toute attente de gagner une course qu'elle a menée de bout en bout. Pour notre plus grand plaisir, elle est là, chers auditeurs à mes côtés, au micro de Radio Paris. Auditeurs et auditrices. Bien évidemment, chère Violette. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, je dois d'abord adresser quelques remerciements. Mais je vous en prie, hein, le vainqueur a tous les droits. Eh bien, en premier lieu, je voudrais remercier les juges qui m'ont retiré ma carte de la FFSF. Et sans eux, j'aurais jamais pu connaître les joies immenses qu'apporte la compétition automobile. Quel humour grinçant, ma chère Violette. Oui, je voudrais aussi remercier les journalistes, lesquels, une nouvelle fois, ont fait preuve d'une grande finesse. N'ont-ils pas écrit que, telle une Amazone, je faisais injure à l'image même de la femme? Et que j'étais aussi massif que la colonne dont je porte le nom. Et un certain Jean Solpartre a affirmé, prenant mon exemple, que les femmes à gros seins ayant une petite cervelle, se les faire enlever n'avait pas rendu Madame Loris plus intelligente. Ouais, ouais. Revenons à l'automobile, à votre victoire. Écoutez, mon plaisir est total. Je pense que toutes les femmes devraient pouvoir conduire. Certaines se battent pour le droit de vote, elles ont raison. Et bien qu'elles se battent désormais pour participer à des courses automobiles. Vous savez, j'avais plus d'une centaine d'hommes à mes trousses. Et je peux vous assurer, ils m'ont pas fait de cadeau. Très bien. Merci beaucoup. Le lendemain matin, Violette, installée à son bureau, colle dans son cahier les coupures de presse qu'elle a, comme à son habitude, soigneusement sélectionnées. Cet exploit est le dernier de la vie de sportive de Violette Maurice. Commence alors pour elle une lente descente en enfer. Dans la France du Front Populaire, elle connaît une succession de déceptions amoureuses. Vivote, donne ici et là quelques leçons de tennis ou de gymnastique. J'ai fini par accepter de diriger ce garage. Un garage réquisitionné par la Luftwaffe. Mais ça, c'est une bêtise. Une grosse bêtise, je crois. Ça s'appelle la collaboration. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ça? Il faut dire, j'ai plus d'argent. Au moins, comme ça, je peux manger à ma faim. Et avoir les mains dans les moteurs toute la journée. J'aime tellement ça, les bagnoles. Paris sous l'occupation. Violette dirige le garage du bout des lèvres. Elle s'adonne parfois au marché noir, joue le rôle de chauffeur pour un dignitaire de la LVF, la Légion des volontaires français, organe collaborationniste. Elle ne dénonce personne, elle ne torture personne. Mais oui, elle collabore avec l'occupant. Au printemps 1944, un soir, alors qu'elle prend le frais sur la terrasse de sa péniche, elle aperçoit une silhouette au bout de la passerelle qui l'appelle dans la nuit. Violette? C'est toi, Violette? Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ça C'est moi. Mais viens. Rentre. Reste pas là, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Après toutes ces années. Mais pourquoi? Pour essayer de te sauver. Pour te retirer du précipice où tu cours. Mais t'es folle. Et la 8e ordonnance, le port de l'étoile jaune. Elle est là. La belle étoile. Magnifique, non? J'ai même dû l'acheter. Pas de cadeau pour les juifs. Regarde, toute jaune. Magen David et le mot juif tracé dessus. Sarah. Quoi, Sarah? Tu t'intéresses aux lois anti-juives maintenant? T'as été manifestée avec les Azous dimanche dernier, je parie que non. Tu dois te cacher. Justement. Ici, je risque rien. Avec une collabo, je risque rien. C'est pas là qu'on viendra me chercher. Je suis pas une collabo. Non. T'es quoi alors? Ça s'appelle comment ce que tu fais? Je sais pas. C'est mon problème. Moi je sais qui tu es. Mais les autres, une fois la guerre finie, tu seras quoi pour eux? On peut pas dire que la presse t'a ménagé jusqu'à maintenant, alors après, t'imagines, après la guerre? Tu vas être un bouc émissaire idéal. Reste avec moi. Non. Ne pars plus, ne me quitte plus jamais. Non, c'est impossible. Violette, viens. Je suis pas venue pour me planquer chez toi. Alors t'es venue pour quoi faire? Je te l'ai dit. Pour te sauver. Il y a encore temps. De quoi faire? Quitte tout ça. Quitte tes copains allemands. Il a encore temps. Et partir avec toi? Certainement pas. Moi, je disparais. Tu rentres dans les ordres? En quelque sorte. La résistance. Tu vois? Faut-il que j'aie confiance en toi et que je t'aime pour te confier un tel secret? Il est tard. Il y a le couvre-feu. Reste ici. Non. Me retiens pas davantage. Sarah! Non! Une nuit. Une seule. Pour tout se dire. Non, je dois partir maintenant. Reste, je t'assure, j'attends ce moment depuis si longtemps. Non, Violette, si tu m'aimes, tu te sauves d'ici. Quitte tout ça tout de suite. T'as peur que je finisse en enfer, ma parole? Évidemment. Mais j'y suis déjà. Alors, rejoins-nous. Deux lesbiennes dans la résistance, tu verrais la tête des mecs. De ce côté-là, il y a encore du travail, tu sais. Même chez les résistants. Viens. C'est impossible. Ils me tiennent. Qu'as-tu fait de tes rêves, Violette? De nos rêves. Ils sont restés dans les couloirs du collège de Huy, dans les eaux de la Meuse, dans la boue de Verdun. Reste. Sarah, je t'en supplie. Non, Violette. Mais promets-moi. Pars d'ici. Pas ce soir, c'est trop dangereux. Des attentats sont prévus. Attends quelques jours, mon amour. Oh. Et évite d'aller en Normandie. Je sais que t'y vas souvent, mais en ce moment, avec le débarquement allié qui se prépare, c'est vraiment pas prudent. Adieu. Quelques jours plus tard, dans un village de l'Eure, en Normandie... T'es sûr que la voiture va arriver par là? Ouais. Dans le tournant qui précède la descente. Et si elle s'arrête pas, chef? Elle sera bien obligée. On va mettre une charrette au milieu de la route. Le charcutier sera seul au volant. T'inquiète pas, on peut pas se tromper. Ça fait plusieurs semaines qu'on prépare l'embuscade. Et le 26 avril 1944, au même endroit... Putain, y'a combien de personnes dans la bagnole? Ils sont 6, chef! Et 2 gamins. Merde, merde! Ils sont tous morts, chef. On embarque tout le monde, direction la ferme des Morins, c'est à 5 minutes. Un seul témoin et c'est tout le maquis qui saute. Avec ce qui se prépare. Et maintenant? La bagnole, on la planque sous des bottes de paille. Les cadavres, on les mettra dans des sacs au fond de l'étang. Et d'abord, vous enlevez tout. Le fric, les bijoux, les vêtements, les papiers. Voilà les papiers, chef. Les 2 gamins, on n'avait pas. Et les 4 adultes. Ali, nom de Dieu. Pierre et Janine Bayel. Bon, objectif atteint. Les autres? Le type qui était à l'arrière. On n'a pas retrouvé les papiers, chef. Mais je le connais, c'est leur gendre. Et t'étais prêt à le laisser filer?

Il dit je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Bachung, Les Salines sur France Inter, Autant d'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Elisabeth Collet. Gérard de Cortanze, grâce à la fiction, nous sommes plongés donc dans une époque et dans une vie pour le moins agitée. L'histoire que vous avez écrite a une part de fiction, bien sûr. Sarah, par exemple, l'amoureuse de Violette, elle représente quoi? Un peu toutes les femmes qu'elle a exactement, pu rencontrer. C'est ça, et ça permettait de faire passer un certain nombre de choses que je voulais faire passer dans ce sujet, bien sûr. Les femmes qui n'ont peut-être pas réussi à la pacifier aussi avec elles-mêmes, à la réconcilier avec elles-mêmes. Je crois que c'était très compliqué. Ça vient de l'enfance aussi, hein, particulière qu'elle a eue, abandonnée par ses parents dans cet institut religieux. Elle s'en tire en faisant du sport, mais c'est un véritable abandon. Et puis surtout la naissance de ce petit frère qui meurt très rapidement et qui n'est jamais remplacé auprès des parents. C'est-à-dire que, au fond, ses parents, toute leur vie, vont faire sentir à Violette Maurice que, au fond, c'est pas elle qui devrait être là. C'est le petit frère qui est mort. Et ça, c'est très difficile à surmonter. Et ce viol qu'elle aurait subi dans sa jeunesse, alors, c'est en fait, une histoire vraie. Il y a un vrai viol qui a lieu dans les vestiaires d'un centre sportif. Bon, moi, je l'ai transposé dans le collège parce que ça me permettait de dire un certain nombre de choses. Et je pense qu'effectivement, il y a un épisode important de la vie de Violette Maurice, dont on a fait les gorges chaudes d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, c'est qu'à un moment, il y a un légionnaire qui l'attaque sur sa péniche, et en état de légitime défense, elle le tue. Mais moi, je suis persuadé, au fond, qu'elle tue aussi cet homme qui l'a violé jadis, comme lorsqu'elle se bat contre des boxeurs, elle frappe aussi l'homme qui l'a violé jadis. Donc c'est une sorte de règlement de compte permanent durant toute sa vie, et c'est une sorte de bagarreuse, en fait, qui n'en a jamais fini avec ce passé. Dans cette fiction, vous avez beaucoup mis le projecteur, bien sûr, Gérard de Cortanze, sur la carrière sportive de Violette Maurice. Dans les années 30, après qu'elle a été radiée à vie des compétitions sportives, elle se lance donc dans la course automobile, la moto, et aussi elle tente même une carrière artistique. C'est assez étonnant. C'est vrai. Elle a chanté. Comme elle a croisé Joséphine Baker... Elle a été sa maîtresse. Oui. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que ce qui les a réunis, en fait, c'est le rejet. C'est-à-dire, l'une est rejetée pour ce qu'elle est, elle est lesbienne, elle est violente, et l'autre est rejetée parce qu'elle est noire. Il y a une chanson dont on parle jamais de Joséphine Baker, où elle dit « je voudrais être blanche ». Et lorsque Violette Maurice ne sait plus trop quoi faire de sa vie, enfin, elle ne peut plus faire de sport, elle n'a jamais eu beaucoup d'argent, Joséphine Baker, qui a un cabaret, lui dit « écoute, chante, elle a une carrière très très brève, hein. Oui. C'est pas une grande chanteuse, mais il y a quand même une chanson qu'elle a chantée qui s'appelle Fleur d'amour, oui, dont on peut retrouver d'ailleurs la partition et les paroles, et c'est assez Il y a pas mal de amusant. Photos d'ailleurs de cette époque, il y a une photo de Brassailles qui est assez connue, bien on sûr. La voit à côté d'Yvonne Debray dans un bar, parce le Monocle. C'était son amante, oui, Yvonne Debray était son amante. L'actrice Yvonne puisque Debray. Puisque vous savez que Cocteau a écrit les monstres sacrés sur la péniche de Violette Maurice. Sur cette péniche vivaient Yvonne Debray et Violette Maurice, et il assistait à leurs engueulades, il n'y a pas d'autre terme, et je pense, là encore sincèrement, qu'il a sans doute utilisé une partie de ces heures entre femmes pour écrire les dialogues de sa pièce Les monstres sacrés. D'ailleurs, dans la première des monstres sacrés, Violette Maurice a un petit rôle. Donc elle a aussi eu une carrière théâtrale très brève. Et arrive donc 1940, l'invasion allemande, le régime de Vichy, l'occupation. Alors que sait-on exactement de la collaboration de Violette Maurice, bon, c'est, Gérard de Cortanze? C'est très très simple. Je vais vous lire deux petites choses et très très intéressantes. Il y a un article qui est paru dans l'Humanité, lorsqu'on a retrouvé le cadavre de Violette Maurice bien... Un bien an des... après le meurtre, absolument. En fait, et l'Humanité en 1945. Dit ça. Cette Violette Maurice était bien une indicatrice des nazis. Espèce de monstre hybride, c'est le qualificatif qu'on utilise d'ailleurs pour Marie-Antoinette, je vous le rappelle, monstre hybride, oui. Cette créature portait sans cesse des costumes d'homme, s'exhibait en champion des poids et haltères, s'était même fait couper les seins pour avoir l'air plus masculin. Elle s'était mise au service de la Gestapo pour pouvoir assouvir ses instincts sadiques en torturant les patriotes. Il y a un livre qui vient de sortir, en folio histoire, qui est écrit par Françoise Rouquet et Fabrice Virgili, Les Françaises, les Français et l'épuration. Un tout petit texte qui commente ce texte de l'humanité. Et là, tout est dit et j'aurai répondu à votre question. On conçoit, en lisant ces lignes, le texte de l'humanité, que se construit, à la faveur de l'époque et des intérêts électoraux, un modèle fantasmatique de collaborateurs, ici de collaboratrices, en forme de repoussoir, incarnant le mal et cristallisant toutes les déviances. Collaborationniste, dénonciatrice, tortionnaire, sadique, homosexuel, travesti, donc trahissant son sexe en se faisant couper les seins, inhumaine, la médiatisation de ce genre d'affaires procède autant du fait divers que de la construction idéologique ou encore de ce mauvais objet dont parlent les psychanalystes. Tout est dit, point final. Malgré tout, Gérard de Cordon, qu'est-ce qui est vrai de sa collaboration? Alors, sa collaboration, il y a trois faits exacts qu'on retrouve très facilement. Tous les historiens sont maintenant d'accord là-dessus. Elle a été chauffeur, quelques jours, d'un dignitaire de la LVF qui travaillait pour l'aviation. Elle a dirigé le garage Pershing de la Luftwaffe Aviation. Elle faisait du marché noir, essence notamment autour des avions. Il ne faut pas oublier, vous me direz, il y a des gens qui ne sont pas rentrés, qui ne sont pas devenus collaborateurs pour ça. Elle avait une passion dans sa vie qu'elle n'a pas assouvie, c'était l'aviation. Elle voulait être pilote d'avion. Donc on comprend un peu tout ça, c'est étrange, c'est bizarre, sur des zones grises, des sortes d'ombre, mais elle a dénoncé personne, elle a assassiné personne, elle n'a torturé personne. Donc c'est vraiment le mauvais objet dont parlent les psychanalystes. À la fin de la guerre, on a besoin, comme par hasard, de trouver des boucs émissaires, et elle, c'était le bouc émissaire idéal, et en plus, elle était lesbienne. En 2011, l'historienne Marie-Joseph Bonnet a repris complètement le dossier, d'ailleurs, en épluchant les archives, et ses conclusions donnent de Violette Maurice une image donc très différente de la tortionnaire qui apparaissait dans un livre précédent de Raymond Ruffin qui s'appelait « La hyène de la Gestapo ». Donc, d'après Marie-Joseph Bonnet, ce serait un second couteau de la collaboration qui ne méritait pas la mort, c'est un peu ce que vous dites également, mais qui aurait été victime peut-être d'une bavure de la résistance, donc en avril 1944, et serait devenu donc un bouc émissaire. C'est très très clair que ce n'était pas elle qui était visée dans cet attentat. C'était les deux charcutiers, mari et femme, qui étaient eux de vrais collaborateurs, très très impliqués dans tout ça. Mais certainement pas Violette Maurice. Et d'ailleurs, quand vous compulsez aujourd'hui une majorité de livres publiés sur les collaborateurs, sur la rue Lauriston... qui était le siège de la Gestapo française. Il n'y a aucune ligne... Pas une note sur Violette Maurice. C'est un vrai montage. Et moi, c'est contre ça que j'ai essayé de lutter. Il y a vraiment une réhabilitation totale à faire de cette personne qui a été laminée, qui a été vilipendée, insultée, alors qu'elle n'avait rien fait. Elle n'était pas résistante, mais ce n'était peut-être pas la seule. Merci beaucoup Gérard de Cortanze. Votre roman « Femmes qui courent » est publié chez Albin Michel. Et d'ailleurs, il vient de recevoir le prix Historia. Et je crois qu'il va bientôt y avoir un film tiré de ce roman. Absolument. Et à lire également, bien sûr, de l'historienne Marie-Joseph Bonnet, Violette Maurice, Histoire d'une scandaleuse, parue chez Perrin. Elle est l'auteure également d'une BD avec Chris Bertrangalic et Javier Rey, Violette Maurice à abattre par tous les moyens, publiée chez Futuropolis. Et pour se faire une idée complète, le livre plus ancien, je l'ai cité, de Raymond Ruffin. Non, c'est vraiment pas indispensable, ça. Violette Maurice, la hyène de la Gestapo, je le cite quand même, aux éditions Le Cherche Midi. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, ce sera la dernière émission de la saison. Et oui, nous partirons en 1789, dans les mois qui précédèrent la Révolution française, lorsque Louis XVI convoque les États généraux et que les Français rédigent les cahiers de doléances en compagnie d'un personnage attachant, Pierre-François Lepoutre, paysan et député du tiers-état. Pierre-François Lepoutre et le cahier de doléances, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais après le flash, bien sûr, tout de suite, Edouard Baird vous attend, lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.